et bienvenue sur Comic Stories pour ce 308e épisode de notre podcast. Un épisode qui sera consacré cette fois-ci au bilan de l'année 2020, année particulière, mauvaise année, on verra. Et je suis avec Clément. Hello. Et Boris. Bonjour. J'ai complètement bouleversé l'ordre alphabétique. C'est beau. Ça commence mal. Ouais, ça commence mal. Tu commences bien l'année. Oui, parce qu'en plus c'est le premier podcast de l'année, on est déjà en février, c'est un scandale. Question que je posais en ouverture déjà, avant de s'attaquer à un petit bilan VF, puis VO, tout ça. Mauvaise année 2020 D'un point de vue comics, moi j'ai l'impression d'avoir pris mon pied quand même, hein, en termes de lecture. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est la meilleure depuis bien longtemps. Ouais, beaucoup de choses intéressantes. Hein. Donc effectivement, année perturbée, mais au final, ouais, c'est sans doute une des meilleures années de ces dernières années, on va dire. Ouais, complètement perturbée, mais il y a eu vraiment des super bons titres, des suites très bonnes aussi. Ça a été très particulier, mais ouais, il y a eu des grosses surprises, et effectivement, j'ai pas eu souvenir que l'année précédente était aussi marquante du point de vue... Même les précédentes, j'ai envie de dire. Même les précédentes du point de vue qualitatif. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de renouvellements, pas mal de nouvelles choses. Ça a été plutôt bon, ouais. Moi, en termes de sortie, je la compare à 2016, qui était l'année de l'arrivée de Rebirth chez DC, avec un vrai renouveau, qui c'est était l'année de pas mal de bons titres indépendants aussi, qui avaient émergé ou qui étaient en plein boom. On avait encore Saga à cette époque. On avait encore Descender, enfin on avait voilà. Et depuis, j'ai pas l'impression que les autres années aient été aussi qualitatives. Surtout en indé quand même. Cette année. En indé, ça avait perdu quand même. Enfin, pas que ça a perdu, mais il y a eu moins de. En termes de nouveautés, il y a eu vraiment pas des trucs marquants. Et en fait, c'était surtout, de 2016 à 2020, bah en fait, c'était des titres qui avaient commencé, qui ont continué. Mais en termes de nouveautés indé, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est rien qui a marqué. Un gros renouveau quand même. Enfin, je trouve au niveau de l'indé. Avec pas l'éclosion parce que c'est un vieil éditeur, mais l'explosion. Voilà, de Boom qui a quand même sorti quelques grosses séries avec quelques gros noms, ouais. et qui va continuer en 2021. J'ai quelques trucs qui sont annoncés là qui sont assez fous et pour la suite de l'année encore qui vont être assez énormes. Très gros noms. Et Image qui ressort de nouveau des séries qui je pense vont marquer. Mais qui ressort à tête de l'eau, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un peu le creux de la vague. Il y a des grosses séries qui s'étaient terminées et puis ça vivotait un peu, on va dire. Ouais. Et là, c'est reparti fort. Et là, ça redémarre pas mal. Mais c'est vrai que d'un point de vue DC ou Marvel, c'était quand même pas une grosse année. Hein. DC, c'était assez différent. Voire, on sait pas trop ce que ça va donner. L'avenir est un peu incertain. Chez Marvel, à part Daredevil qui a maintenu le niveau, moi, j'ai pas trouvé. Si, il y a Donny Cates qui fait quand même encore quelques bonnes choses. Mais sinon, globalement, je suis moins accroché sur Marvel. Quoi. Mm-hmm. C'est vraiment l'indé, moi, je trouve, 2020. Pour moi, c'est l'indé. C'est la partie comics qui m'a marqué. Bah, c'est l'indé, et puis, moi, 2020, quelque chose que je trouve presque émouvant, c'est l'année où le papier aurait pu être mis complètement à terre. Avec la fermeture des shops, il n'y avait plus rien d'ouvert. On aurait pu passer comme ça, d'un claquement de doigts au tout numérique, parce que c'était le seul moyen de publier, et ça ne s'est pas passé. Le papier est revenu, et le papier est revenu encore plus fort qu'il l'était avant. Et ceux qui prédisaient la mort du comics en papier, ou qui la souhaitaient pour des raisons mercantiles, sont bien déçus, je pense, aujourd'hui. Oui, parce que il y a eu aussi, je pense, de la part des lecteurs et notamment des personnes qui tout simplement achètent leurs comics, leurs ouvrages dans les librairies, il y a eu aussi cette volonté de continuer à acheter en papier. Moi, le premier, justement, pour continuer à acheter en papier et notamment auprès des libraires, justement pour les soutenir durant cette période. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que l'industrie elle-même l'a refusé. Oui, oui, oui. Les éditeurs n'ont pas joué ce jeu-là. Ouais. Des plateformes ont proposé de le faire, en plus, numériquement, etc. Et les éditeurs ne sont pas rentrés dans ce jeu-là. DC a même fait un petit scandale en changeant de distributeur, ouais, justement pour que le papier continue à être distribué, même si Diamond avait cessé ses activités, etc. Il y a eu un sursaut de l'industrie qui n'était pas du tout celui qu'on pouvait imaginer. Et c'est clair. Le papier est sorti, à mon avis, renforcé, et c'est une excellente nouvelle. Mm. On va pouvoir remplir nos box et continuer à collectionner nos singles. Voilà, acheter des étagères. Tout ça, tout ça, ouais. Changer de maison si besoin. C'est ça. Pour avoir une pièce supplémentaire. Que des bonnes idées. C'est ça. Et quelque part, continuer à à sauver la planète, puisque un livre papier est beaucoup moins coûteux pour la planète qu'un livre stocké sur un serveur. Donc, quelque part. Continuons. Allez, Très bien. on va passer à un bilan plus détaillé. Je vous ai dit, on va commencer par la VF, comme ça ceux qui nous écoutent que en VF pourront nous quitter avant d'être éventuellement spoilés sur de la VO. Après, on parlera rapidement des adaptations. Il y a quelques petites choses peut-être à retenir, même si les cinémas ont été fermés et que tous les films ont été repoussés. Et puis, on finira par la VO. Donc en VF, tout simplement, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler des séries en librairie. Des séries en général, avant de parler d'albums en eux-mêmes, s'il y a un tome ou un livre qu'on retient, on ne dira pas maintenant, mais est-ce qu'il y a des séries en librairie qui pour vous, se sont démarquées l'année dernière? En librairie. Moi, en librairie, ce qui m'a marqué cette année, c'est les Tortues Ninja. Alors, j'avais commencé quand iComics a sorti son premier tome, qui était en fait le tome 4, Oui. et qui est sans doute le plus faible tome de toute la série, donc ça m'avait pas totalement convaincu. Et c'est vrai que démarrer là-dessus, pour eux, c'était pas forcément super, mais ils avaient pas trop le choix, puisqu'ils prenaient la suite de l'éditeur Soleil, qui avait déjà sorti les quatre premiers tomes. Et donc là, j'ai retenté ma chance cette année, et une fois que voilà, on passe ce tome très moyen, ça continue vraiment de façon excellente. C'est vraiment super bien construit. Moi, c'est sans doute la série en librairie VF que j'attends le plus chaque fois qu'un tome est annoncé, quoi. C'est à peu près un tome tous les 3 mois environ en ce moment. Et c'est vraiment une série très bien construite sur le long terme. Ce qu'on retrouve plus vraiment chez les éditeurs DC ou Marvel qui ont une vision assez à court terme, on va dire. C'est vraiment la série, moi. Alors il y a deux en fait, puisqu'il y a la série classique aussi que iComics sort, que je suis, qui en est à deux tomes et qui est vraiment très bonne aussi. On voit pourquoi la franchise a eu un tel succès. Et voilà, moi c'est la série qui m'a marqué. Moi, ce qui J'aurais pu m'a. mettre Daredevil aussi Ouais, de de Starsky. Starsky, mais comme je le suis en VO, je l'ai plutôt mis en VO dans mes séries coup de cœur, mais c'est vraiment cette série-là, Tortue Ninja, qui m'a marqué. Ah, moi je lis plus de VF, hein, ou presque plus, peut-être pour certaines choses un peu soit introuvables en VO ou que je souhaite avoir dans un beau format. Il y a quelque chose qui m'a quand même assez tapé dans l'œil cette année, c'est les Mind Management, Mind MGMT, chez Monsieur Toussaint Louverture, Mad Kint, tout ça, qui sont de beaux objets en termes d'édition, qui sont très bien conçus et très qualitatifs en termes de contenu. Enfin voilà, c'est une très très très bonne série. Moi j'ai lu le tome 1, effectivement, c'était excellent. Et c'est vrai que j'ai pas encore lu le 2 et le 3, le 3 est sorti récemment, là, parce que c'est quand même hyper dense. Et puis reprendre le tome 2 avec 4-5 mois d'écart avec le tome 1, c'est quand même une série assez complexe, on va dire. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Donc oui, effectivement, très bonne série. Mais bon, moi j'avais du retard, donc je l'ai pas sélectionné, on va dire. Mais je pense qu'effectivement, c'est une des grosses séries en VF, en tout cas, puisque c'est une vieille série, enfin une série plus ancienne, hein, de Mad Kint. C'est pas récent. C'est une des sorties VF. Après, c'est un éditeur un peu confidentiel quand même en termes de BD, hein, ils n'en sortent pas beaucoup. Donc je ne sais pas si ça a eu un grand succès en librairie. Mais effectivement, pour quelqu'un qui aime sortir des sentiers battus, on va dire, des comics, c'est à lire, à tester au moins. Et je pense que je pourrais en faire un bilan positif quand j'aurai tout lu. Oui, parmi. On a sollicité les auditeurs aussi pour ce bilan de l'année. Oui, Clément? Bah oui, excuse-moi, je te coupe. Je voulais juste parce que par rapport, pour le coup, t'allais parler des éditeurs, mais en fait, je voulais souligner un point, je trouve, que 2020 a permis de mettre en avant, et c'est notamment grâce à Urban Comics, où en fait, 2020, moi, je lis pas beaucoup. Je suis comme toi, je lis pas beaucoup d'ouvrages en relié, en album, en VF. Les seules choses que je lis, ça va être par exemple Black Hammer. Mais il y a eu un effort d'Urban de fait pour rendre le comics accessible et de faire découvrir des histoires. Je pense à deux collections, donc la collection d'été, je sais plus comment elle s'appelait, d'Urban, qui était du point de vue rapport qualité-prix, qui était quand même excellente. Et également, et moi ça m'a marqué parce que j'ai vraiment redécouvert cela, Watchmen, qui a été refait par Urban, mais cette fois-ci en petit format, qui a repris le format d'origine, c'est-à-dire sortir l'œuvre chapitre par chapitre. Ouais, il y a que comme Et ça qu'il l'avait pas sorti, donc du coup, c'était. ouais, mais du coup, ça, je trouve que Urban a eu une volonté cette année de faire redécouvrir des titres à bas prix, accessibles. Ils vont encore le réitérer cette année. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Je crois que Panini essaye de le faire, mais de façon bien moins marquée. Panini achète le fonds en partenariat avec Carrefour. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Donc, il y a aussi... Oui, t'as raison. Donc, il y a cette montée-là, je trouve, qui est assez intéressante du côté des éditeurs. Parce que là, ce qui est intéressant, parce qu'il y a eu une dernière... je crois qu'il y a eu une dernière étude de fait il y a quelques semaines sur le marché du comics en France. Et ça reste encore un marché de niche, même si ça évolue. Je crois que ça représente 6% des ventes. Mais il y a quand même cette volonté-là que 2020 a démontré, cette volonté voilà, de faire découvrir davantage le comics donc au mainstream, aux lecteurs à des prix accessibles. Là, ce qui serait intéressant, ça va être de voir en 2021, est-ce que ça va être aussi le cas pour, par exemple, tout simplement le comics indépendant, parce que je pense qu'Urban pourrait très bien faire ça aussi avec des titres indépendants sur les premiers tomes, même si c'est vrai que Urban a une politique sur les débuts de séries tout à fait intéressante avec généralement 10 euros le tome, mais il y a une tendance qui, je trouve, c'est un peu très, c'est dégagé encore plus cette année à ce niveau-là. Effectivement, dans le choix des lecteurs, il y a TMNT qui est ressorti aussi, hein, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui a été cité par plusieurs personnes. On a le Wonder Woman Dead Earth aussi, qui est revenu. D'ailleurs, c'est un titre à la fois VOVF cette année, hein, puisque tout est sorti très rapidement chez Urban. Ouais, d'ailleurs, je crois pas que tu l'avais cité, toi, dans ta sélection. Je l'ai mis en mini VO, moi. D'accord. Donc oui, effectivement, c'était quelque chose d'un peu inattendu, un peu ce qui sortait des sentiers battus, même graphiquement, et qui a l'air d'avoir plu. Oui, c'était très bon. C'était du Warren Johnson, équivalent à ce qu'il fait en indé. C'est quand même quelqu'un qui a un dessin assez puissant, assez fort. Et là, il a réussi à adapter le personnage de Wonder Woman. On va dire de mettre sa patte sur un personnage mainstream. Et ça fonctionne totalement, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que Batman ne ressort pas ou presque pas. Ah. Voilà. Je n'ai pas de mention de Death Metal. Je n'ai pas de mention particulièrement flagrante de la série Batman principale non plus. Voilà. Si c'est faire ressortir un top, c'est normal, non? Ouais, c'est pas faux. Non, je sais pas. Hein, parce que franchement, les titres Batman de cette année, de ces derniers mois, c'est quand même pas. Après, il y a énormément des gens qui n'achètent que Batman et qui, du coup, au moment de retenir le meilleur, retiennent forcément du Batman, puisqu'ils ne lisent presque que ça. C'est quand même une bonne partie du public, hein, je pense, qui achète Batman par automatisme et qui ne va pas forcément taper ailleurs, parce qu'il y a tellement de sorties Batman que du coup. Après, peut-être que les personnes qui lisent le site, qui s'intéressent au site, on en parle très peu quand même. Assez rare, ouais, c'est pas une. C'est vrai. Un personnage, un univers qu'on traite beaucoup parce que... Bah, on en traite en audio, mais souvent en rapido. Voilà, moi à l'écrit j'en parle quasiment jamais puisque je lis quasiment plus rien. Donc peut-être que voilà, c'est aussi une conséquence de ça. Quelques titres Delcourt qui ressortent également. Farm End a été plusieurs fois mentionné, tout comme la nouvelle édition d'Invincible. Oui. Qui n'est pas de la nouveauté, qui est de la réédition, mais... Beaucoup de personnes l'attendaient, parce que Invincible était tellement volumineux en termes de quantité de volume, 24 volumes, je crois, que du coup, effectivement, avoir une édition qui repart dès le départ, plus épaisse, avec plus de, du coup, moins de volume à acheter, etc., ça fait peut-être moins peur, et du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui ont profité pour se lancer dans cette grande série, donc c'est bien. Oui, et puis c'est vrai quand on n'a pas commencé une série qui est longue comme ça... C'est dur, ça fait peur. Avec The Goon, là, ils ont sorti une intégrale, une première. Mm-hmm. C'est vrai que moi, j'avais pas découvert la série en album simple, je me suis lancé avec l'intégrale. Et ils font des belles intégrales quand même chez Delcourt. C'est de beaux objets, ils prennent moins de place en plus, etc. Et c'est vrai que ça fait plus beau. Enfin, franchement, c'est de très beaux objets. C'est l'occasion voilà, de se lancer. De découvrir, ouais. Pour tout vous dire, même moi, je me pose la question des fois quand je passe devant. C'est pareil, moi aussi, c'est tentant. Alors, c'est les mêmes éditions que les VO, et qu'en VO, il y a les... Moi, je suis fan des compendiums. Alors, c'est un truc que personne n'aime, parce que ça prend... Il y a 50 numéros dans le même volume, il y a 50 épisodes. C'est un truc infâme de 1400-1500 pages, en couverture souple et tout ça, mais moi, j'adore ce format. Mais moi aussi. J'ai notamment Fable, comme ça, d'ici à sortie des compendiums cette année. On en reparlera peut-être en VO, mais... Moi j'adore ce format, donc. Mais l'édition VF intégrale me tente quand même. Compendium, c'est plus important qu'un omnibus? C'est l'équivalent? D'accord. Un omnibus, c'est souvent 25 numéros. Ouais. Par exemple, si tu prends une série comme. Invincible. Invincible, tu as les TPB, c'est 6 épisodes. Les Ouais. éditions reliées en dur, comme les intégrales de Delcourt, c'est Ouais. 12. Les Ouais. omnibus, c'est 24. Et les compendiums, c'est 48. D'accord. Ce qui fait des trucs gros, mais au moins tu... Ouais, des trucs de 2 kilos énormes. Couverture souple. T'en as pour 50$, mais t'as 20, 48 épisodes, quoi. Donc, Ouais, donc ce qui... Ouais, imbattable. ce qui est rentable, en fait. Imbattable. Bref, on diverge. On diverge. On y va. Je voulais dire Euh, oui. un petit mot sur l'ABF, puisqu'on parlait des éditeurs, etc. C'est vrai qu'avec la fermeture des librairies, etc., Difficile, ouais. la pandémie, on aurait pu penser que les éditeurs seraient un petit peu en galère. Et moi, je trouve qu'il y a un éditeur quand même qui a bien tiré son épingle du jeu, voire même enfin, qui semble avoir progressé en termes de vente et de visibilité, c'est iComics, Bien sûr. Ouais. qui a sorti quand même quelques très, très belles séries indé en one shot, par On exemple, en comme parlera, oui, parce qu'il y en a un voilà. qui ressort chez Et presque tout le donc, monde. et en Pense que VF. 2020 est une année positive pour iComics. Et en VF, on peut aussi noter, parce que Panini essaye des fois de faire des choses bien, aura tardé, mais a quand même réédité tous les tomes de The Boys, ce qui était quand même voulu, hein, puisque le tome 1 était notamment introuvable. Non, Et ils ont donc, engagé une espèce de rédemption quand même en 2020 c'est avec ça, il y a eu quelques démarches qui sont quand même à saluer. c'est ça, une rédemption, je crois que c'est le mot. Même s'ils ont quand même ce côté. Enfin, ils ont quand même conservé leur côté escroc, hein, faut bien l'avouer sur certains. Peuvent pas s'empêcher de faire des conneries, mais Non, bah c'est que les tu sais, tarifications, quoi. quand c'est dans tes gènes, c'est compliqué. C'est pas faux. Allez, on va passer sur les séries. On va passer peut-être le meilleur album ou le meilleur tome de série, quelque chose qui a vraiment marqué tout le monde. Et là, je vais lâcher le nom parce que je crois que 80% des personnes qui ont répondu ont sorti ce nom. C'est vraiment la claque de ce début 2020. Je crois que c'est en début d'année que c'était sorti. The Savage Shores. Non, c'est sorti en fin août ou début Fin septembre. août, d'accord. Bah, pour moi, c'est début d'année tellement c'est dur. Tellement c'est déjà un classique. C'était quasiment le début de la réouverture, on va dire. C'est pour ça. Oui, bah, je pense. Oui, moi je l'ai cité aussi. J'avais deux ex aequo pour le meilleur album, dont This Savage Shores, qui est vraiment, oui, vraiment une histoire sublimement dessinée par Sumit Kumar. Et puis une histoire vraiment atypique, on va dire, ça aurait quasiment pu être du franco-belge un petit peu. C'est une histoire qui se passe en Inde, de la période de la colonisation britannique, etc. Donc ça sort vraiment des sentiers battus et c'est vraiment de qualité. Puis c'est un titre de Ramvé dont on parle beaucoup en ce moment. L'explosion de Ramvé, je pense, aux yeux du public un peu comics. Mais voilà, ouais. Effectivement, c'est un des titres marquants de cette année. Et une superbe édition. Très Aussi, ouais. joli, très joli, très joli ouvrage, doré, tout ça, qui reprend l'édition luxueuse qui était sortie. Je crois que c'est une édition limitée en plus. Il y avait la même chose qui était sortie en VO avec ses dorures, etc. sur le titre. Et c'était une édition limitée pour je ne sais quelle cause ou quelle raison. Mais voilà. Même moi, je l'ai pris cet album. Je crois que c'est le seul que j'ai acheté en VF cette année. C'est quoi le titre? Parce que je crois que je suis passé totalement. S'appelle. These Savage Shores. Avec mon accent anglais de qualité. Ah, This Savage. Ok, This Savage. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, j'avais du mal. Ok, d'accord. Et c'est une couverture toute rouge avec Ah, si tu l'as pas fait. un espèce de masque un peu Mais je... Non, je tenu suis dans une complètement. main. Là, j'avoue, je l'ai même pas vu, tu vois, dans mon libraire. Ah bah dans ton Oh, libraire, bien si tu l'as pas vu dans ton joué. libraire, je pense que Non, non, non, pardon. Je ne l'ai pas vu dans ma librairie, pardon. c'est juste que tu n'es Non. pas rentré à l'intérieur de lui, donc. Ouais, c'est ça. Non, non, je suis passé complètement à côté, mince. Ok. Mais c'est bon à noter. Pourtant il y en avait Hein. des piles, hein. Mais bon. Ah ouais, il y en a un paquet. Ouais, ça, on en a beaucoup parlé. Hein. Ouais. D'accord, bah non, mais écoute. C'était le titre de la rentrée en septembre. Ouais, Hein. clairement, clairement. D'accord, ok. En termes d'albums qui ressortent aussi régulièrement, bah encore le Wonder Woman des Doors, hein, Oui, bah oui, voilà. effectivement. Et puis on a quelques mentions de Doomsday Clock. Ah, Voilà. oui, je ne l'ai pas lu encore, donc je peux pas. Oui, bah oui, le Normal, c'est une des Doomsday grosses Clock. séries, c'est une des grosses séries une grosse sortie, une des grosses sorties de l'année quand même. Hein. Ils ont sorti. Oui, puis comme ils en plus de ça, ils l'ont sorti également en édition. Ah, comment Très ça s'appelle? luxueuse. Oui, c'est ça, En très format. luxueuse. Urban Limited, je crois. Ouais, je sais Unlimited. plus le nom, mais oui, ça va être ça. Et bien cher en plus, je crois, 60 euros, un truc comme ça. C'est Enfin, ça. assez cher. Donc, oui, bien, bien luxueuse. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait Watchmen qui était sorti. Doomsday Clock, pardon, lapsus. Ouais. Et puis, avant de te laisser donner ton deuxième titre, Boris, que tu es, je crois, le seul à avoir mentionné. Mais je partage. Voilà. On a Batman Créature de la Nuit. Ah! Qui était sorti en deux versions, noir et blanc et couleur. Hein. John Paul Leon dessin et le scénario, je ne l'ai plus. Kurt Busiek. Kurt Busiek. Ouais. Voilà. Bah, pardon. Qui est quand même un récit marquant, je trouve. Oui, c'est un des. Alors, c'est pas une nouveauté. Enfin, c'était, ça avait quelques mois en VO, mais c'est vrai que c'était un titre Batman intéressant de cette année, ouais, sorti en VF, Ça avait quelques effectivement. mois en VO pour les trois premiers épisodes, quand même plus de 2 ans. Mais le quatrième, je crois, le dernier, du coup, est sorti, je crois, en tout début d'année en VO. Ah oui, il y a eu un écart, effectivement. Avec la maladie de John Paul Leon, tout ça. Ouais. Oui, non, une bonne. Moi, j'ai pas été, ça n'a pas été un coup de cœur, mais on en avait parlé dans un podcast. C'était une bonne lecture, Moi, effectivement. les trois premiers m'avaient scotché. Et puis le quatrième, je l'ai toujours pas lu, parce qu'après 2 ans d'écart, j'avais pas Oui. le courage de me remettre dedans. Mais c'est quelque chose que je veux toujours faire, de toute façon. Non, puis c'était, oui, c'était dense, puis c'était des gros épisodes, hein, c'était au moins des épisodes doubles. Donc oui, si tu veux t'y remettre, je pense qu'effectivement, il faut se refaire les trois premiers avant, Et effectivement. ton petit chouchou numéro Et 2, moi, Boris? alors je suis peut-être le seul à avoir cité, mais il a été quand même nommé à Angoulême, donc Nommé Angoulême, ouais. je pense que donc c'est Coda de Cy Spurrier et Mathias Vergara. J'avais pris le TP volume 1 en VO et comme souvent avec Simon Spurrier, j'avais pas tout compris, donc j'avais arrêté. Et là, Glénat, qui en termes de comics, c'est un petit peu à la dérive, il faut le reconnaître. La sortie, ça m'a surpris. J'avais pas vu au départ qu'c'était eux qui allaient sortir. La sortie, donc Coda en omnibus, ils appellent ça un omnibus, donc c'est l'intégrale de la série en fait. Hein. Et une belle édition, hein, un beau volume, et puis une histoire vraiment assez passionnante. Pas forcément facile d'accès. Il faut arriver à rentrer dedans. Avec Simon Spurrier, c'est souvent des personnages un peu complexes, une intrigue un peu tortueuse. Mais au final, quand on s'investit dedans et qu'on va, voilà. On se laisse porter, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est de la fantaisie avec des relations entre personnages assez recherchées, assez fouillées. Et puis Mathias Bergara au dessin que je connaissais pas du tout et qui vraiment réalise des prouesses, quoi. Il y a vraiment des planches sublimes. Moi, c'est oui, effectivement un deuxième coup de cœur en termes d'album pour cette année 2020 en VF. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Tu je plus. l'as lu, toi? Oh, je connais Coda, ouais. C'est vrai que moi, Simon Spurrier, de toute façon, j'ai une petite affinité pour ce qu'il fait en indé. Donc, il y a son Bah, Alienated qui arrive, hein, qui est arrivé d'ailleurs en VF, Alienated, je crois. Bah, chez iComics, ouais. c'est ça. Hein. Donc, très très bonne pioche de C'est ouais. iComics. C'est aussi un scénariste. Bah, ça fait quand même plus longtemps, peut-être, que Ram V qui est dans le milieu, mais qui monte petit à petit. Alors, il a peut-être moins, comme il travaille moins, enfin, chez les gros éditeurs. En tout cas, il est moins en vue puisqu'il a fait Sandman, Hellblazer chez DC, qui sont quand même des séries plus confidentielles que Catwoman ou Justice League Dark pour Ram V. Donc on en a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'est quand même voilà, c'est un des scénaristes phares et vraiment intéressant de ces dernières années. Ouais, je trouve. Ouais. Mais en VO, c'est pas facile à lire des fois. Non, Faut se pencher, hein. c'est un style de langage Voilà. assez, Donc assez élevé, assez exigeant. Donc voilà pour mon deuxième coup de cœur. Parfait. On va passer aux adaptations et on va aller vite sur les adaptations parce que là, pour le coup, c'est une année qui Pauvre. bah, très pauvre. Ouais. Au cinéma, il n'y a même rien, quoi. C'est Enfin, si, ça. il y a Wonder Woman 84, mais on va même pas en parler, j'ai envie Je l'ai pas vu, donc je risque pas de d'en dire. parler encore. Moi non plus. Donc voilà, en termes de film, évidemment, l'année qu'on sait a fait que, bah, effectivement, on va pas Il y avait Harley dégager Quinn, de je Birds of pense. Prey, tu veux dire? Ouais, Bird of Prey, ouais. Ouais. Bird of Prey, Ouais, bon bah ouais. ouais. Oubliable totalement. C'est sorti en 2020, ça? Ouais. Apparemment, ouais. Ah Ah ouais? st Bon, Il me semble. non. Genre, attends, tu me fous le doute. Ouais, c'est ça, 2020. J'allais dire janvier ou février, mais. Ça m'a tellement Ah, marqué, juste. 5 février. Ah Ouais. bah tu vois, il y a déjà un an. Ouais. Ah. Eh ben, joyeux anniversaire. Ouais. Non, on va parler plutôt de quelques séries, même si là aussi il y en a eu assez peu. Il y en a évidemment une qui ressort très très souvent, c'est The Boys. Ah bah évidemment. Vous l'avez cité les deux d'ailleurs. Ah bah oui, Bah, évidemment. enfin moi. Moi, j'en suis qu'à la saison 1, mais c'était une série extrêmement marquante, effectivement, et qui propose une, à la fois une adaptation et une vision personnelle de la série initiale. Et moi, comme je suis un vieux, je fonctionne par DVD, mais j'ai vu la saison 1 cette année, et effectivement, c'est vraiment excellent. Oui. Ah bon, c'est excellent. Du coup, moi, j'ai lu, ça m'a donné envie de lire toute la série, donc j'ai lu toute la série de The Boys. Ça prend des libertés avec l'adaptation, enfin pas avec le support d'origine, donc le comics, mais c'est hyper fidèle à l'esprit du comics et ça offre, en fait, ça offre une relecture contemporaine, je dirais, de The Boys, ou une relecture plutôt adaptée aux années, on va dire, 2020, quoi. Mais c'est tout à fait c'est vraiment une très bonne adaptation, où c'est vraiment dans l'esprit du comics de base. Le casting est génial, la réalisation est top, le scénario est top. Enfin, vraiment, j'ai peu de critiques, voire aucune critique à faire à The Boys, parce que tu vois vraiment que les personnes qui sont derrière l'adaptation aiment le comics, quoi, et ont compris le comics. C'est sans doute la meilleure adaptation qui a été faite cette année en termes de série. Bon, on pourrait évoquer en termes d'adaptation sur tout autre point, il y a aussi la question de Infinite Crisis, mais qui est totalement différente et d'un tout autre niveau et avec des attentes différentes. Mais The Boys, c'est vraiment clairement est sorti, à mon sens, est sorti du lot cette année pour le peu d'adaptation qu'on a eu. C'est pas surprenant, vraiment pas. Ouais. Moi, j'en retiendrai évidemment la seconde saison de The Umbrella Academy. Ah oui, j'ai encore pas vu cette série. Voilà, c'est quelque chose qui m'a bien marqué en 2020. C'est sorti au cœur de l'été. Très très très très bonne deuxième saison. Évidemment, il me tarde de voir la troisième, qui est en cours de préparation. C'est ce que moi je retiendrai, je pense. Titan, je ne sais plus si la saison 2 est sortie. C'est une bonne question. Si c'est le cas, je l'ajoute. Mais je n'y ai pas pensé. Il me semble que... Non, elle est sortie en 2019. Ah, bon, bah super. Donc non. Donc on s'en tiendra à, du coup, Umbrella Academy pour ma part. Voilà. Bon, vous l'avez dit, hein, les adaptations, ça va aller très vite. Avant de passer complètement sur la VO, on va faire un petit encart du côté des personnes qui participent à la création de nos comics. Et on va parler des scénaristes, des artistes, des cover artistes. Et là, je pense que ça sera déjà beaucoup plus long. Je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur cette partie-là. Je vous propose de commencer par les artistes, tiens, les dessinateurs. Qui retenez-vous de 2020 en dessinateur? 2020, je risque de ne pas faire forcément encore preuve d'originalité, mais parce que vraiment, je suis toujours aussi épaté par le style, l'art, on va dire, de l'artiste pour le coup. Bon, en premier lieu, là, je dirais, parce que sincèrement, sur Gaiden Falls, il s'est surpassé sur la... J'ai pas encore lu le dernier numéro, mais il s'est surpassé sur la fin du run. Sorrentino, vraiment, il a été monstrueux sur la fin du titre de Gaiden Falls. Il est impressionnant. J'adore son style, mais là, sincèrement, il s'est surpassé. C'était vraiment incroyable. Bon, il y a aussi, évidemment, mais parce que c'est un style bien à lui, et moi, j'adore Dustin Nguyen sur Ascender. Il fait aussi des covers, et j'ai souvenir d'une cover que j'avais pris en Variant Cover sur Legion of Super Heroes qui était vraiment très belle. Il y a aussi, forcément, obligé, et j'ai un gros trou de mémoire, honte sur moi, sur Three Jokers. Fabok. Oui, c'est ça, vraiment, mais autant le scénario, on pouvait être hyper critique sur le scénario, mais alors au niveau des dessins, sincèrement, c'était un plaisir à chaque case. Et là également, j'ai un trou de mémoire, parce que j'ai du mal à retenir les artistes. Ça fait des dégâts. Ouais, le confinement, je crois, a fait des dégâts. C'est ça, Job Show sur Crossover, Moi, je trouve que le style, vraiment, le style colle parfaitement à Crossover. Donc vraiment, c'est là pour moi, c'est trois là et j'en... Oui, et puis Jiménez aussi, évidemment. Je sais même pas si ça se dit Jiménez ou Jiménez, je sais même pas. Moi, je dirais Yoré Jiménez, mais après... Ou pareil, Yoré Jiménez également, parce que... J'avais découvert, je ne sais plus, bah, sur Superfan, je crois, cet artiste, mais sur Batman, sincèrement, autant le scénario est poussif et on peut être critique sur certains points, mais franchement, sur Batman, son style est parfait, quoi. Donc vraiment, j'ai vraiment eu ces noms-là à l'esprit et j'en oublie peut-être, mais vraiment, ces quatre noms-là, pour moi, c'est vraiment, ou cinq, comme quoi c'est vraiment l'effet début d'année aussi, m'ont marqué pour différentes raisons. Et toi, Boris? C'est pas du coup, moi j'ai vos listes hein, sous les yeux, du coup on est deux salles, deux ambiances. Tout à fait, oui. C'est ce que j'étais en train de me dire, ça va pas du tout être pareil. Même si effectivement, dans les artistes qu'a cité Clément, On est d'accord sur le talent de ces personnes-là, y a pas de. voilà, ce sont de très bons aspects. Mais c'est vrai qu'on est marqué aussi par les séries qui nous ont marqué ou les albums qui nous ont marqué. Donc moi, ça va être totalement différent. Ça va être plus radical, on va dire, en termes de dessin. Le premier que j'avais mis, c'était Martin Simons sur Department of Truth. Ça a été une grosse claque graphique quand même, hein. Alors le scénario effectivement tient la route et participe effectivement au plaisir que j'ai à la lire. Mais alors les covers, les planches de cet artiste, c'est quand même. Alors c'est pas effectivement c'est pas tout public on va dire, c'est pas grand public. Même si on peut voir que la série fonctionne quand même a priori pas mal, hein. Je pense même auprès de personnes qui la lisent pas forcément d'habitude ce genre de série. Mais alors quelle voilà. Quelle richesse dans les compositions, voilà, dans les pleines pages qu'il fournit sur certains épisodes où il y avait plusieurs pleines pages qui s'enchaînaient, là, double page. Enfin, une vraie claque sur cette série. Hein. Un artiste Incroyable. que je ne connaissais pas et que je découvre, que j'ai découvert là, ces derniers mois. Et c'est bluffant. Ouais, même Franchement, c'est. chose, une découverte sur plusieurs plans pour moi de Martin Simmons. Oui, je peux que plus soyez vraiment ce que tu viens de dire sur le talent de ce monsieur. Department of Truth, vraiment, ouais, c'est graphiquement une claque. On aimerait le voir sur plus de projets, mais à la rigueur, qu'il ne fasse que celui-là, c'est pas grave, du moment qu'il le fasse aussi bien. Je pense que ça l'occupe un peu, hein, Un petit peu, un petit vu peu. le. Enfin, ça demande un certain temps pour faire ses planches. Ouais. Le deuxième. Alors après, j'ai mis deux duos et pas seulement des dessinateurs parce que. Alors Martin Simons, il fait tout, hein. Il fait dessin et couleurs, on va dire, même si c'est un travail plus global. Après, j'ai mis des duos parce que je trouve que à la fois le dessin, mais aussi la colorisation apporte. J'ai cherché un peu en VF ce qui m'avait marqué et je suis retombé sur The Savage World, Sumit Kumar et Vittorio Aston, le coloriste, sur donc cette série. Bon, franchement, alors là, on n'est pas dans le. C'est un dessin plus classique. Et tout à l'heure, j'ai parlé de franco-belge. Effectivement, ça peut faire penser un petit peu par moment à du franco-belge. C'est assez régulier, assez propre, entre guillemets. Voilà, ça. Mais c'est superbe quand même en termes de composition, en termes de et les couleurs marquent beaucoup dans cette série. C'est en VF sans doute le duo d'artistes qui m'a le plus marqué en 2020. Et le dernier que j'ai mis, alors là c'est mon petit chouchou dont j'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais qui va revenir un petit peu plus tard. C'est le duo Anand Erka et John Pearson sur le graphic novel Blue in Green, pour lequel j'essaye de faire un lobbying fréquent et régulier de Ramvé, scénarisé par Ramvé, qui est sorti à l'automne, et qui pour moi a été une claque, mais énorme. Je m'y attendais pas, je l'avais pris comme ça parce que c'était du Ramvé, puis ça parlait de jazz et que je suis assez fan de ce genre de musique. Et puis à la lecture, voilà, je l'ai ouvert un soir et je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu d'une traite. Et graphiquement, ça fait un peu penser à du Martin Simons quand même, dans les compositions, dans les recherches pour les couleurs. Mais quand on regarde un petit peu le travail différent du dessinateur, alors on ne va pas dire coloriste parce qu'en fait, il ne colorise pas vraiment, mais c'est un peu le même genre de travail, des collages, ce genre de choses. Si on regarde les planches de Anand Erka, donc dessinateur indien, si on regarde ces planches non colorisées par John Pearson, on peut trouver ça sur Internet. Et puis sur l'interview que j'ai faite de lui, j'ai mis un lien, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. En noir et blanc, déjà, ces planches sont sublimes. C'est vraiment bluffant en termes de composition. Il a su rendre la force, la puissance de la musique et l'ambiance voulue par Amvé de façon assez impressionnante. Et puis rajouter à ce travail noir et blanc les couleurs. Alors John Pearson, c'est un artiste américain multifonction, on va dire, un multiforme. Il fait pas que de la BD, il fait beaucoup de choses aussi, beaucoup d'autres choses. Et franchement, ce graphic novel, graphiquement, ça m'a impressionné. Et j'ai trouvé que ça rendait vraiment cette ambiance de jazz, cette liberté de la musique. était aussi présente dans les compositions graphiques. Donc moi, ça m'a vraiment marqué cette année. Voilà. J'espère vous avoir motivé à aller jeter un œil. Oui. Oui, c'est bien. J'ai convaincu personne. Si. Que bah, sans le gros blanc derrière. Pour Shumit Kumar, de toute façon, je partageais déjà. Et après, oui, effectivement, sur cet autre tandem que tu citais, je ne m'y suis pas encore plongé, mais oui, en général, de toute façon, on a globalement les mêmes sensibilités par rapport aux parties graphiques de ce qu'on lit. Donc, j'ai plutôt confiance quand je vais aller regarder un petit peu Ananerka, John Pearson. Bon, ça devrait me taper aussi dans l'œil. Je voulais rajouter ce que je viens d'y penser. Il avait déjà travaillé avec Ram V sur un autre titre qui s'appelle Graffiti's Wall. Et c'est totalement différent. C'est-à-dire que le dessinateur là a changé totalement son style en l'adaptant clairement au scénario, à l'histoire, à l'ambiance, au thème. C'est ça qui est impressionnant. C'est que vraiment, on a l'impression que c'est pas du tout le même dessinateur. Mmh. Et là, il va refaire une série avec Ram V en avril qui s'appelle Radio Apocalypse, si je me trompe pas. Et je pense qu'il va revenir un petit peu avec le style de la première série qu'ils avaient fait ensemble. Donc vraiment, c'est quelque chose de... Je trouve que c'est une démarche artistique assez, assez forte parce que le gars, en accord, enfin, ils sont... Oui, en accord, on va dire, avec Ram V, voilà, ils se sont mis d'accord. Il a changé complètement son style pour s'adapter à l'histoire. Et c'est pas donné quand même, je pense, à tout le monde. Mmh. Et le résultat est superbe. Voilà, j'en ai fini. Je vais vous citer des noms qui ont été donnés par nos auditeurs. Vous allez me dire, ah, mais oui, Daniel Warren Johnson. J'ai pensé aussi, ouais, mais j'ai pas... Bon, j'avais déjà mis trois noms, moi. Daniel, Yoré Fornes. Oui, sur... Rorschach, sur notamment. Oui, évidemment. Ryan Stegman. Ouais. Ryan Stegman vous secoue moins. Non, c'est qu'il nous a un peu lâché sur Venom. Ouais, pour travailler, pour se lancer sur King Black. On le boude un peu. C'est vrai que ça reste. Voilà, ouais. Ça reste un artiste impressionnant. Marco Cecchetto. Aussi. Daredevil. Ouais. Assez incroyable. Voilà, c'est les noms qui reviennent quand même très très régulièrement dans ce qui nous a été soumis. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va être sur trois salles, trois ambiances, du coup. Parce que moi, je vais ajouter les miens, ils sont pas forcément cités encore. Martin Simmons, évidemment, parenthèse, pour lui, voilà, tu en as déjà parlé, je partage entièrement tout ce que tu as pu dire sur lui, voilà, Martin Simmons, voilà. Dan Mora, Once and Future. Ouais, toi t'es un gros fan. Ouais. Je suis voilà, Dan Mora, c'est pour la vie, j'ai envie de dire. Mais Once and Future, ce qui déclenche mon plaisir de lire cette série, ce n'est pas que l'histoire de Once and Future, c'est vraiment aussi la partie graphique, où il arrive quand même vraiment à créer des choses, notamment sur ses pleines pages, parfois avec presque un côté horrifique assez... assez bien senti. Oui. Et les couleurs de Tamra Bonvillain rajoutent aussi. Là, c'est un tandem. Tu parlais de tandem tout à l'heure. Effectivement, ouais. Mora Bonvillain, effectivement, ça match à la perfection, je trouve. Qui voulais-je rajouter ? Alors, j'en avais plein à la tête. Et puis, Michael Yalinas. Moi, ce qu'il a fait sur Wind, ça m'a fait complètement rêver. Chez Boom. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Ouais. C'était une belle création, on va dire. Mm-mm. Par rapport à ce qu'il a fait pour les Tortues Ninja avant, qui étaient différents quand même, un petit peu. Et là, il a su créer quelque chose d'assez fort et d'un vrai univers graphique. On l'a moins vu cette année peut-être, mais Rafa Sandoval, notamment sur Flash, c'est quand même peut-être le meilleur artiste de la série Flash de Williamson. C'est vrai que la série a des artistes assez constants en termes de qualité. Quand il était là, il avait quand même... il en imposait, quoi. Mm. Il y avait des numéros de Sandoval et puis les autres, je dirais. Et puis ouais, Geoff Shaw, je suis d'accord aussi par rapport à Crossover, mais aussi par rapport à Thor. Il est aussi sur Thor, Geoff Shaw. Ah, il est aussi. Non, d'accord. C'est pas lui. Non, c'est Nick Klein. C'est Nick Klein. Oui, bon, bah, c'est des noms courts, quoi. Et ben... je pensais qu'il avait fait un peu de Thor aussi, tu vois. Voilà, après, effectivement, j'ai lu, j'en ai eu tellement entre mes mains des comics cette année en VO que, voilà, même Chris Samnee, il a fait des trucs très cool. Donc, et j'en oublie, et je m'excuse, voilà, je m'excuse auprès d'eux, parce que de toute façon, je sais, ils nous écoutent. Et en termes de couverture, puisqu'on a parlé des intérieurs, mais en termes de couverture, il y a quand même, là aussi, de très belles choses qu'on a eues cette année. Alex Ross revient souvent. Oui, bah oui. Ouais. Il nous a gâté hein, cette année. Évidemment. Il nous a gâté sur Immortal Hulk, évidemment, sur toutes ces covers un peu hommage qu'il a sorti chez Marvel. Il a sorti toute une vague de covers comme ça sur fond blanc avec juste le personnage dans leur version un peu historique, on va dire. C'est vrai qu'il il nous a assez régalé. Martin Simmons, évidemment. Parce que s'il fait de beaux intérieurs, ses couvertures sur Department of Truth. Ouais, moi c'est celui qui. C'est des petites œuvres d'art, quoi. C'est celui qui ressort, mais. Là, c'est mis des tableaux, moi je les veux tout en poster. C'est pas possible. Évidemment, Clément nous cite Andrea Sorrentino et Dustin Nguyen. Oui, bah. Ce qui, Dustin Nguyen, en termes de cover, il fait le taf. Ouais. Il a fait quelques variantes aussi chez DC cette année. Complètement, ouais. J'ai le souvenir d'une pour Batman The Adventures Continue. Ouais. Qui était assez dingue. Et puis quelques-unes comme ça, ici et là. C'est vrai que, oui. Moi, son style sur les couvertures à Dustin Nguyen, je. Bah, il a, c'est un style qui est très. Moi, je pensais surtout à ses covers aussi sur Ascender. C'est un style. Enfin, c'est une patte, hein, on reconnaît son style, je trouve. Mais il a un style qui colle vraiment bien, en tout cas pour Ascender, à la dimension, voilà, c'est un space opéra. Il y a tout un univers derrière. Hein. Enfin, c'est vraiment. Dans la composition de ses covers, moi, ça me fait, dans le style, en fait, de ses covers, ça me fait penser, je l'admets, je vais peut-être aller un peu loin, mais ça me fait vraiment penser à des affiches de films de SF. Mm-hmm. C'est con, hein, mais ça me fait vraiment penser ça, et je pense, des fois, quand je vois certaines covers, je peux pas m'empêcher de penser, en termes de composition, aux affiches qu'on a pu avoir sur Star Wars. Peut-être, un peu de ça, effectivement. Ouais. On nous cite Yoré Fornes, ses couvertures de Rorschach, c'est vrai, sont. C'est vrai, c'est très beau. Ça colle parfaitement. Très stylisé rétro, très. Ouais, carrément, ouais. Vraiment joli. Moi, je citerai aussi Inyukli, qui nous a fait des variantes sur Flash. À tomber cette année. Alors voilà, faut aimer Flash, faut aimer les choses un peu iconiques, etc., en termes de pose, mais ces variantes sur la série cette année ont été assez folles. On nous cite Liber Mero. Comment passer à côté des covers de Liber Mero? Évidemment. Donc voilà, quand même encore. Même Jen Bartel aussi nous a fait de belles choses. Enfin. Oui, bah Bartel, elle est vraiment excellente. Il y a vraiment de très beaux noms, et la liste, voilà, la liste serait bien difficile à faire, et serait bien difficile d'en dégager qu'un, encore une fois, pour cette année. Et en scénariste, du coup, on va passer au scénario maintenant. Quels sont ceux qui ont su nous toucher par leurs mots et par leurs histoires? Alors, il y a un nom, je veux le dire tout de suite, hein, parce que celui-là, c'est une écrasante majorité des personnes qui nous ont donné leur avis, qui le sort, et c'est un des grands noms de cette année, évidemment, c'est Chip Zdarsky. Forcément, oui. Impossible de passer à côté du talent de ce mec-là. Et pourtant, il a fait X-Men Fantastic Four, qui n'est pas. Et tout le monde lui pardonne. Voilà, c'est ça. Je lui pardonne alors que je ne pardonne pas le Batman de Tannenfort, mais Chip Zdarsky, oui, sur Daredevil, c'est vraiment énorme, tout simplement. Il n'y a pas de baisse de régime. Alors, j'ai pas lu là le premier épisode de Tie-In à King Black, je ne sais pas s'il arrive à s'en sortir dans cet event, mais jusqu'à maintenant, on en était à 26, je crois. Il n'y a pas un épisode faible, quoi. C'est vraiment impressionnant de maîtrise, à la fois dans l'écriture et dans la gestion de l'univers, quoi. Quelle intensité. Voilà, ouais, ça retombe jamais, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors, a priori, il va s'arrêter autour du 30. Ce qui est à la fois triste, parce que c'est tellement bon qu'on a envie que ça continue. Mais c'est peut-être pas plus mal, ça pourrait permettre d'avoir un vrai run de qualité, de bout en bout. Et c'est vrai, on le citait tout à l'heure, additionné à Marco Tietieto. C'est vrai que quand il n'y a pas Tietieto au dessin, c'est pas moins bien, mais on le sent quand même. Il y a une vraie différence. Hein. Voilà, chez Marvel, Daredevil, pour moi, c'est la série. Il n'y a pas, y a rien. Ouais, on n'est pas loin, de. Alors, ouais. Moi, il n'y a plus rien que je lis qui égale Daredevil. De toute façon, moi, quand je déballe mes cartons, en général, le Daredevil est lu soit en cours de déballage, je m'arrête pour le lire, soit juste après, parce que oui, c'est ce que j'attends le plus chez Marvel. Chaque mois, je pense aussi. Ouais. Et puis même en indé, il a fait un petit Stillwater là, qui est quand même pas mal, quoi, avec Ramon Perez. qui tient bien la route, ouais. Qui était assez surprenant au début, on savait pas trop dans quelle direction ça allait aller. Et alors c'est pas exceptionnel, c'est pas du niveau de Daredevil de Marvel, mais c'est du une très très bonne série. Et je pense qu'il va nous réserver encore pas mal de surprises. Donc c'est une série que j'ai beaucoup de plaisir à lire, qui change un petit peu de ce qu'on lit habituellement. Et voilà, il sait maîtriser ses histoires, il sait surprendre. Voilà, il y a toujours un cliffhanger un peu fou. Ouais, un des scénaristes de 2020. Ouais, et puis sans doute de 2021 aussi, parce qu'on a déjà des nouveaux projets qui sont annoncés pour lui, que ce soit chez Image ou chez DC. Le rêve qu'on osait à peine faire de le voir arriver sur le personnage de Batman va être exaucé au mois de mars, donc je pense qu'on va encore parler de lui beaucoup cette année. Après, une série anthologique. Oui, c'est une série anthologique dont il va être un peu la tête d'affiche. À voir ce qu'il va pouvoir donner sur ce type d'épisode de one shot, on va dire. Ouais. Donc, j'espère juste que ce sera pas un... ouais. Non, mais que ça sera pas un nom pour voilà, pour attirer le chaland. Que derrière il y a pas forcément la qualité. En général, ouais. il fait quelque chose parce qu'il a une idée. Il fait rarement quelque chose pour faire quelque chose. Donc, je suis plutôt confiant sur ce nom-là. Effectivement, l'immense majorité des personnes qui nous ont donné leur avis ont cité Chip Zdarsky et c'est bien normal. C'est bien normal. Ram V sort beaucoup aussi. Oui, bah, normal aussi, hein, à la fois en VF et en VO. En VF, on en a parlé tout à l'heure, et en VO, même si j'ai pas lu son Catwoman, je sais pas ce que ça vaut, mais sa Justice League Dark était vraiment pas mal. Ça prenait bien la suite de Tanyon Four. Là, il fait un Swamp Thing Future State, c'est peut-être la seule série intéressante et de qualité. Et puis en indé, il est prolifique, hein, entre donc le Blue and Green dont j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? J'ai un trou, je suis comme Clément. J'ai un trou de mémoire. Enfin, il va refaire des séries là en 2021. Chez Boom, 2021, notamment avec The Lies of Leia Stark qui arrive aussi. En avril, oui, ouais. Il y a de nouvelles choses. Voilà, c'est le scénariste qui monte clairement et qui arrive sur tous les plans un peu, on va dire, à s'en sortir aussi bien mainstream qu'en indé. Donc, effectivement, c'est un scénariste marquant de l'année 2020, ça sans aucun doute. Oui, il y a un James également dans la liste, Tanyon Four. Alors, moi, je lui pardonne facilement son Batman un peu mou. Quand je lis Wind, quand je lis Department of Truth, je suis capable de lui pardonner à peu près tout. Je lis autre chose de lui, Something is Killing the Children, évidemment. Alors, en indé, c'est excellent. En indé, c'est vraiment un scénariste phare qui propose trois séries. Là, tu viens de citer trois séries qui sont totalement différentes. Et les trois séries fonctionnent. Il arrive quand même à... Voilà. Mais effectivement, tu lui pardonnes. Moi, j'ai un petit peu du mal parce que j'ai essayé quand même de m'investir après Tom King qui nous a quand même... saoulé quand même, hein, globalement. Moi, j'ai suivi beaucoup et puis finalement j'ai raté à quelques épisodes de la fin parce que j'en avais assez. Et on avait beaucoup d'espoir parce que Time and Force sur Detective Comics était très bon. Oui. Donc on s'est dit sur Batman ça va être très bon aussi. Et puis en fait, pas du tout. Alors il a sans doute subi un peu les atermoiements de DC qui ne savait pas trop s'il allait continuer après le sang, pas continuer, donc il a dû être un peu hésitant, je pense, dans son travail. Mais depuis qu'il sait qu'il est sur la série, c'est-à-dire après le sang, moi j'ai commencé un peu à lire, ça fonctionne pas. Moi je trouve que ça fonctionne pas du tout, il n'y a pas de souffle, c'est ennuyeux, c'est très bavard, ça tourne en rond. Après bon, ça n'est que mon avis, mais si on regarde que la partie indé, effectivement, c'est aussi un des scénaristes de cette année-là. Tanyon Four est bon pour nous raconter des histoires de relations entre personnages. Detective Comics, c'est un titre d'équipe. Dans Something is Killing the Children, il y a ce tandem entre James et... Il y a quand même j'ai oublié le prénom de cette chasseuse de démons. Dans Batman, il y a quand même cet aspect, je trouve, qui n'est pas prégnant, mais il y a quand même... Il y a un aspect sur... relation personnage, mais c'est plus comment Batman arrive à gérer l'après-mort d'Alfred, en fait. Et il y a tout un début, un aspect par rapport à ça qui est assez intéressant, je trouve. Après, effectivement, le scénario est pas... je dirais pas qu'il est oubliable, mais il est pas sensationnel. Même s'il trouve qu'il propose des choses qui sont assez intéressantes du point de vue statu quo par rapport à Batman, je trouve. Par rapport à l'univers de Batman, c'est intéressant. Après, il faut voir ce que ça va donner, mais c'est assez mou, mais il propose des choses, je trouve. Oui, mais après, vraiment, moi, ce côté vraiment relation entre personnages sur lequel il excelle, même dans Department of Truth, entre Cole et sa collègue, Wind, forcément, ce n'est que de la relation entre personnages. sur Batman, il essaie de créer quelque chose entre notamment Batman et le Clown Hunter, où on voit qu'il est en train de dessiner une relation, quelque chose qui pourrait être assez marquant pour l'avenir. Avec Nightwing aussi, enfin voilà, il essaye de mettre des choses en place sur le relationnel, parce que c'est ce qu'il fait le mieux et ce qui rend ses histoires aussi riches. Maintenant, c'est plus à la marge, donc du coup, Oui, c'est sûr. ça marche moins bien. On nous cite également Donny Cates. Bah, évidemment. Forcément, hein, crossover en fin d'année, Thor, Venom, King in Black. Ouais, moi c'est plus ouais, crossover moi qui me marque finalement. Crossover, Ah bah oui. évidemment, c'est une réussite. Total. Venom subit les conséquences du fait qu'il ait préparé King Black, je pense. C'est quand Il y a eu même un mauvais. arc un peu en dessous, oui, avec Venom Island. Ouais, c'était quand même moins palpitant. King in Black est un bon event qui fait le taf, mais c'est je trouve que c'est pas encore du niveau du précédent à Absolute Carnage. Non, King in Black, c'est le blockbuster qui impacte tout l'univers Marvel, alors qu'Absolute Carnage était peut-être plus confidentiel dans le... Enfin, plus cantonné à l'univers Venom. Son tort, moi j'ai pas trouvé ça fantastique. Le premier arc, ça se lisait, mais je ne retrouvais pas les idées, les surprises, la patte Kate. Donc j'ai arrêté je sais plus, au 7 ou 8, je crois. Ouais, son arc en cours avec Don Blake? Donald Blake me plaît plus. J'ai eu la même impression que toi, la même sensation que toi par rapport à l'arc, au deuxième arc. Là, ce qui fait que Donald Blake me parle plus, m'intéresse plus. Ouais, enfin, ce qui m'a déçu aussi, c'est que voilà, il avait dans les interviews que j'avais pu lire, il avait dit que c'était le personnage ultime sur lequel il voulait travailler. Bon, on On avait aurait pu l'impression, s'attendre hein. à ce, Tout voilà, à tournait ce que autour de son Thor. sa grosse série, le truc quoi, le truc qui allait le marquer le plus. Et puis finalement, c'est peut-être un de ses travaux qui m'intéresse le moins. Donc bon, déception là-dessus, mais après bon, après il y a Crossover qui rattrape le tout, je trouve. Donc, Je suis étonné que tu n'aies pas cité Joshua Williamson, Boris. bah, j'ai essayé de me limiter. Hein, j'avais pas, j'aurais pu en mettre un. Hein, J'ai essayé de limiter à deux, et il n'y a que les dessinateurs, hein, les artistes, où j'en ai mis trois. Donc, bah, oui, c'est un gros run sur Flash, effectivement. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce run. Il a bien maîtrisé, il maîtrisait bien le personnage quand même. Hein. Et c'était une des dernières séries, je trouve, construites sur le long terme. Chez DC. D'ailleurs, depuis, j'ai arrêté Flash, hein, depuis qu'il est Oui. parti. Donc, bah, J'ajouterais Tom en. Taylor, parce que Tom Oui, c'est vrai, Taylor, c'est quand je même connais. Seven Secrets, c'est quand même son Hellblazer: Rise and Fall, Ouais. le Deceased évidemment qui continue. Ouais, c'est quand même quelques bons trucs. Et le Suicide Squad. Le Suicide Squad qui a fini un peu en autre boudin, mais je pense lié à la Pas de sa faute à mon à avis. des arrêts. Ouais, je pense que c'est DC qui a décidé qu'il fallait arrêter la série, donc il a essayé de faire comme il a pu. Mais les premiers, voilà, les deux premiers tiers, on va dire, étaient vraiment très bons et renouvelaient bien le genre dans cette série un peu badass, on va dire. Il avait vraiment réussi à créer des personnages intéressants et qui servaient pas juste de chair à canon. Et donc, non, c'est vrai que c'était bien. C'est un scénariste qui arrive quand même à toujours tirer son épingle du jeu de situations pas forcément évidentes, quoi. Voilà, c'était un peu casse-gueule de reprendre la Suicide Squad et il s'en est bien sorti. Oui. Voilà, enfin c'est un tour, je sais pas si t'as un autre nom toi Clément, Non, pas du tout. bon bah très bien, on va passer au... Comment? Maintenant, Oui, bah Jeff peut-être. Lemire, mais de toute façon, Oui, mais c'est oui. tellement évident que tu le cites que du coup, J'ai pas mis, j'y ai pensé, mais je l'aurais pas mis moi, parce que j'ai pas été totalement convaincu par cette année. Je trouve c'est pas sa il y a meilleure trop de année. déchets. Il y a trop de Non, déchets. c'est pas sa meilleure année. Après, moi, c'est parce que je trouve qu'il a excellé sur. Alors, pas à Thunder, parce que c'est assez court et c'est très différent de Dissander. Ça vaut pas Dissander, je pense, même si j'adore. Hein. Par contre, sur Guiden Falls, là, il a. Enfin voilà, enfin, je pense que ça mérite une relecture totale pour bien saisir tout, mais il a construit quand même un truc qui est assez sur du long terme, qui est assez, alors puissant, c'est pas le mot, mais qui est très surprenant. Sincèrement, je pensais pas quand j'ai commencé Guiden Falls qu'on allait arriver vers ce genre de pas de délire, mais ce genre de récit. C'est assez surprenant, mais c'est très bien. C'est vraiment, je trouve que ça représente assez de là où il peut aller en termes d'écriture. Mais après, c'est pas sa meilleure année, clairement pas, c'est sûr. Il y a trop de séries, je trouve. Il s'est lancé de beaucoup de C'est projets dispersé, qui sont sympathiques. Bah, Family Tree, c'est sympathique, mais c'est pas C'est terrible, sympathique, quoi. ça sera pas marquant. Bon, là, le Sweet Tooth, ça a l'air pas mal, mais bon, c'est que le début. Guiden Falls, moi, j'avoue que je suis qu'en VF, donc j'ai un peu de retard. Black Hammer, ça part un peu dans tous les sens. Alors, c'est pas forcément lui qui écrit, mais pense qu'il a sorti pas mal de séries. Là, il y a encore une série Black Hammer Vision qui va sortir, scénarisée par d'autres personnes. Voilà, son univers se développe. Je pense qu'il s'occupe de pas mal de tout ça. Là, je suis abonné à sa newsletter. Il a annoncé, je ne sais pas combien de séries encore pour 2021. Peut-être qu'il faut réduire un peu et que ça soit. On n'est pas dans du Royal City, quoi, par exemple. Ah, voilà. Royal City, c'est. On est loin de cette qualité pour les projets qu'ils proposent en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'ils multiplient les projets et. Bon, des fois, c'est vrai que Family Tree, ça a été une grosse déception. Surtout qu'on l'a attendu hein, pendant longtemps. Je crois quasiment 2 ans. Il l'avait annoncé il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est sympa, mais c'est pas. C'est obligable. Et c'est très voilà. Court en plus. Oui, ça sert à rien. C'est très, très court. Donc, c'est assez oubliable. Mais bah, il fait son chemin, quoi. Je crois que Descender à Thunder fera l'objet finalement pas d'une adaptation cinéma, mais d'une série. Donc, voilà, quoi. Il arrive quand même. Ça reste, même si tout n'est pas qualitatif, je pense que ça reste un. Ah, c'est devenu un des grands noms, quoi. Ou en tout cas de la nouvelle génération. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est un scénariste important. Dans le milieu du comics par ce qu'il propose, par voilà, l'univers, son écriture, etc. Maintenant, il y a, voilà, en termes de qualité, c'est pas, ça manque un peu de constance par moment. C'est sûr. Des choses indispensables. Ouais, alors, c'est clair. Avant, il faisait moins et c'était toujours marquant. Alors peut-être que aussi, c'était plus frais. Maintenant, on connaît beaucoup plus de télé, on est moins surpris. Voilà. C'est ça, ouais, on le connaît. Bah, c'est vrai, moi je l'avais découvert sur Green Arrow. Je l'avais découvert. Bah, le mec, moi je connaissais pas et c'est vrai qu'il a. Enfin, il était génial, quoi. Son run a été génialissime sur ce titre. Mais il n'était pas, je crois pas qu'à cette époque, il était réellement connu. Où il commençait. Il avait quand même signé juste avant un Animal Man qui était quand même. C'est pas faux. Donc, il y a moins cette surprise, quoi. Tu reconnais quand même. Et puis Sweet Tooth. Tu reconnais qu'il a quand même des. Je parlerai pas de gimmick, mais tu reconnais son style, quoi. Il y a moins de surprises dans. Il y a moins de surprises et. Et ce qui fait qu'effectivement, on est moins surpris après. Après, ça, je trouve sa force, c'est qu'il construit il arrive à construire un univers. Bon, tu prends Black Hammer, il crée un univers qui est vraiment très intéressant, même si je suis pas genre en VF. Sur Ascender, il y a pas la surprise de Descender, mais il construit un univers cohérent et qui est vraiment, moi, que j'aime beaucoup en termes de SF parce que je trouve qu'on ne trouve pas assez de, j'ai pas retrouvé ça dans d'autres univers et c'est vraiment intéressant, quoi. Tu sens qu'il a pensé son truc et qu'il a fait quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire qu'Ascender était dispensable, mais en tout cas, ça complète. Il n'y a pas cet élément de surprise parce qu'en fait, finalement, Ascender complète Descender. Et je pense qu'il faut voir cette œuvre comme un tout et non pas les deux séparés. Bon, je pense que. Alors, je te coupe. Descender, moi, je l'ai lu en VF avec les sorties urbaines et je me suis enfilé les 6 tomes à la suite. Mm-hmm. Et Ascender, j'ai pris la suite avec Ascender en single. Et je pense que. Et ça m'a lassé. Oui. Parce qu'Ascender sera peut-être meilleur à lire collecté. Je pense, ouais. Il est assez lent. L'épisode, c'est lent et il ne se passe pas énormément de choses. Et on ne retrouve pas la puissance qu'il y avait dans Descender. Alors, est-ce que c'est voilà, le format de lecture, le fait de lire tous les épisodes à la suite qui a permis de faire gagner une certaine densité dans mon esprit, on va dire. Ouais, ouais. Mais le épisode de Ascender, je ne sais pas combien d'épisodes j'ai eu de retard, je dois être au 8 alors qu'on doit en être au 13 ou 14. Ouais, c'est ça. Je pense que j'essaierai de, voilà, de quand ce sera terminé, de relire d'un bloc, puisque ça va être relativement court aussi. Ça se termine au numéro 16. Oui, voilà. Et ils n'ont pas encore annoncé la sortie. Et en fait, c'est un titre qui est très court et qui, d'un seul coup, avance très rapidement, en fait. C'est le reproche qu'on peut faire à ce titre. Mais je pense que ça mériterait d'être. Les Descender à Ascender mériterait d'être lu dans un seul et même bloc. Mais effectivement, c'est loin d'être l'auteur marquant. Et pour moi, je pense vraiment l'auteur qui m'a marqué parce que je l'avais découvert grâce à vous aussi, hein, Donny Cates. Et sur Crossover, il a été. Enfin, il fait. C'est une lettre d'amour aux comics, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment une lettre d'amour aux comics. C'est génialissime ce qu'il fait. Après, Donny Cates, là, c'est pareil dans le Crossover. On en est au combien? Au 3. Au 3. Ouais. Et il fait un petit peu chez Marvel aussi. C'est qu'il référence ses écrits. Ah bah là, dans le numéro 3 de Crossover. Là, dans Crossover, alors je pense que même si on n'a pas lu ce à quoi il fait référence, parce que je ne l'ai pas lu moi, ça devait sortir un moment en VF chez Urban, et puis finalement, visiblement, ils ont laissé tomber. Ça gâche pas la lecture, hein, ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Mais ça peut être, faudrait pas qu'il tombe dans un défaut, entre guillemets, de s'auto-référencer systématiquement. Ouais. Ça pourrait être un peu gênant, on va dire. Après, l'autre personnage qu'il introduit n'est pas de lui dans Crossover 3, donc du coup, ça va. Oui, oui. Mais voilà, de voir débarquer ces personnages-là. Je connaissais la série de nom, et ça m'a donné peut-être envie d'aller jeter un œil en VO, voir ce que ça vaut. Mais voilà, que ça ne devienne pas un gimmick d'écriture systématique. Voilà, ça pourrait être un peu embêtant. D'ailleurs, Dark Horse rebondit sur l'autre personnage qui n'est pas de lui, qu'il a introduit dans Ghost Rider 3 en ressortant une library édition à 100 balles au mois d'avril. En fait, c'est un complot géant, tout ce truc. Grave. Bref. mais tant mieux, ça permet de faire redécouvrir ce personnage, c'est bien. On va passer sur les œuvres maintenant, les meilleures séries, les meilleurs singles, one shot, graphic novel, tout ça. De cette année, on va essayer de pas trop se répéter par rapport à ce qu'on vient de dire sur les artistes, les scénaristes, etc. Parce qu'on a déjà cité beaucoup de noms qui sont évidents, donc je vais juste les relister. On a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Évidemment, crossover, évidemment. Tout ce qui va être du Ram V, Blue and Green, notamment Department of Truth, voilà, on a parlé de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas encore parlé qu'on met en avant maintenant? Évidemment, Ice Cream Man. Évidemment. Évidemment, moi je l'ai mis dans ma série VO en compagnie de Daredevil dont on a parlé. J'aurais pu en mettre d'autres, celles que tu as citées là, qui sont vraiment des bonnes séries, mais Ice Cream Man, c'est comme pour toi, quand le carton s'ouvre, étrangement elle est sur le dessus, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de la lire en premier. Ouais. Y a peu d'épisodes finalement, parce que c'est pas des épisodes forcément mensuels, des fois c'est regroupé par deux ou trois, puis après il y a une petite pause. Mais à chaque fois, alors tous les épisodes sont pas exceptionnels, mais c'est toujours au minimum original et agréable à lire. Et les derniers épisodes que j'ai lus étaient vraiment excellents. Le dernier avec le calendrier de l'avant là, était très bon. Pas le meilleur, mais très bon. Cette année, il y avait eu quoi ? Il y avait eu celui avec le fantôme. Il y avait eu l'épisode hommage au Superman de Morrison. Mm-hmm. Enfin voilà, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de lecture. On est toujours surpris. Enfin voilà, moi, c'est toujours un coup de cœur, cette série. Ouais. C'est un petit bijou. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un épisode faible. Voilà, il y a des épisodes où on accroche plus ou moins parce que c'est une série anthologique. Donc déjà, bon, il y a le thème de l'épisode, la façon dont c'est écrit, mais c'est toujours surprenant et toujours intriguant. Ouais. C'est vrai que j'ai pas cité Maxwell Prince comme parmi les scénaristes. J'aurais pu le mettre même si sur sa série avec. Il a fait King of Nowhere, donc du coup c'est plus difficile. King of Nowhere, c'était sympa, mais ça allait pas. Voilà, c'était pas exceptionnel. Et là, par contre, il vient de commencer sa série Aha. Ouais, sur les clones. Moi, le premier épisode, j'ai adoré. Oui, je l'ai lu hier. Ouais. J'ai trouvé ça super. Mm-hmm. Il y avait tout... On retrouvait un peu, pas l'esprit, parce que c'est pas du tout comme Ice Cream Man, c'est pas le même genre, mais cet esprit one-shot qui fonctionne très bien. Quoi. Ouais. C'est vraiment, en termes d'écriture sur un épisode, un one-shot, je trouve que c'est un des meilleurs scénaristes. Il nous écrit une histoire hyper dense, hyper riche, en juste 20 pages à chaque fois, c'est fou. Puis il y a tout, c'est à la fois touchant, il y a un peu d'action, enfin, ça mêle des genres, il y a toujours, on est toujours ému ou touché à la lecture de l'épisode. Voilà, c'est la seule qu'on n'ait pas citée, que j'ai pas sélectionnée encore. Donc, Ok. Clément, en dehors de celles qu'on a déjà mentionnées, en dehors des œuvres qu'on a déjà mentionnées, des sorties qu'on a déjà mentionnées, tu en as quelques-unes ? Là, comme ça, non. D'accord. Pas vraiment, je pense. En fait, les titres qui m'ont marqué, c'est vraiment les titres que j'ai déjà évoqués ou que je pense qui ont globalement marqué à peu près tout. Ouais, par rapport aux artistes, aux scénaristes, tout ça. Moi, je rajouterais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais Seven Secrets de Tom Taylor, Daniel DiNicolo chez Boom. Le premier arc vient de se terminer, le deuxième arrive. Bonne petite surprise, bonne découverte, vraiment, vraiment intéressant. Il y a le November de Chartier et Fraction. Aussi, ouais. C'est vrai que c'est qui va se finir la semaine prochaine, je crois, qui sort. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, donc très bonne série qui, c'est une série de graphic novels. Il y en a 4. Le premier est posé les bases et c'était vraiment vraiment bluffant, quoi, en termes de storytelling et de dessin. Le deuxième était un peu lent, donc j'avais trouvé ça très bon, mais un petit peu. Et le troisième relançait bien. C'est construit un peu comme un puzzle et ça se dans le troisième ça s'unifie un petit peu. Et on sent que la tension montait et que le dernier allait sans doute proposer un final assez fort, mais aussi bien en termes de proposition, de format, c'est vraiment une œuvre originale, quoi. Et à découvrir pour ceux qui aiment un peu le polar, on va dire, ce genre de choses, mais pour tout le monde. Enfin, puis Elsa Chartier fait un vrai boulot impressionnant dessus. Pour des noms qu'on n'a pas du tout cités, j'en avais un autre en tête, le Folklord de Matt Kint, Chris O'Halloran, chez Boom, qui est arrivé en VF là, ça y est, je crois. Oui, cette semaine. On peut citer l'Astronin dans l'univers des Tortues Ninja. Il n'y a qu'un numéro de sortie pour le moment, le numéro 2 arrive, mais ce numéro 1 était très très puissant. Voilà, il y a beaucoup beaucoup beaucoup de choses. La liste serait bien compliquée à faire, Et évidemment. tu parlais tout à l'heure de Seven Secrets, que j'ai eu un petit peu de mal à apprécier au début. Enfin, ça a été un peu irrégulier, mais maintenant, je suis bien rentré dedans. C'est vrai que c'est une belle réussite et une belle surprise. Et en même temps, est sortie la série de Halloween aussi. We only Et find them when they're là, dead. voilà, on va dire qu'ils sont sortis à peu près simultanément, à un mois d'écart, je crois. Ouais, je crois, ouais. Et finalement, enfin, moi, j'ai lu deux épisodes et Ça, je ça pense m'a qu'il faut le rendu. lire en arc. Il faut le lire en TP, il faut le lire en Ouais, relié, il tu faut... continues. Ouais, je pense. Moi, j'ai arrêté en single et je pense que je me concentrerai sur des TP. Bah, ça sort chez iComics au mois de juillet. Y a pas Donc, moi, assez de... Y a pas assez. Dans un épisode, ça n'avance pas... je vais prendre la VF au mois de juillet. Mais effectivement, c'est pas des genres comparables, c'est pas, voilà. Non. Mais pour deux gros noms qui faisaient leur première série en indé, voilà, je trouve que la réussite est pas la même, quoi. Non, non, non, le rythme d'écriture n'est pas le même, la densité n'est pas la même. Ah, c'est très bon. We Only Find Them, je pense, peut être très très bien, mais je lirai en arc complet parce que en single, il y a trop de temps. Enfin, moi, j'ai besoin de trop de ressources et de temps pour rentrer dans le numéro. Et au moment où j'y suis vraiment rentré, bah, il me reste plus qu'une ou deux pages, c'est la fin, et Oui, je ressors à chaque fois frustré. Donc, je pense qu'en arc complet, ça peut donner toute autre chose. il se passait pas grand-chose, quoi. C'est vrai que c'était un peu mou. Après, c'était très très beau. Simone Dimeo fait Simone Dimio, ouais, un c'est superbe. superbe Oui, travail. oui, oui. Et ça suffit. Enfin, en single, ça suffit pas, quoi. Non. Non, non, et puis bah, le Hellblazer Rise and Fall de Tom Taylor, voilà, on a juste dit deux mots tout à l'heure. Je voudrais le rajouter quand même dans les bonnes surprises de cette année, parce que je ne m'attendais pas à lire du Hellblazer cette année, et finalement j'en ai lu et ça m'a plu. Donc... Bah, les meilleurs titres d'ici sont dans le Black Label, hein, quand Il y même, a cette beaucoup année. de Oui. très bons, ouais, il y a beaucoup de très bons, c'est vrai. C'est pas faux. Hein. Reste à savoir hein, ce que ça va devenir, mais on verra bien. Mais... Bah, c'est devenu un peu fourre-tout maintenant, je trouve. Ouais, mais je sais pas s'ils ont annoncé d'autres titres ou si ça va s'arrêter. Je crois qu'ils ont annoncé d'autres Il y en a titres. d'autres. Il y en a d'autres, il me Il y a le semble. Batman Catwoman qui vient de commencer. Il y a The Bah, il y a Snake. Harley Quinn sur la suite de. Enfin, dans l'univers de. Ah, le Batman de Sean Murphy. Oui, toujours White Knight qui continue dans le Black Label, effectivement. Ah ouais. Non, il y Non. a quand même encore des choses qui arrivent. Il y a encore des choses, et effectivement, je trouve que c'est là où on trouve le plus qualitatif. The Question était excellent. Bah, de Lemire, pour le coup, mais il était excellent. Bah, Sean Murphy, c'est génial aussi dans un tout autre domaine. Donc, effectivement, ouais, c'est intéressant le Black Label. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un tour à peu près correct de cette année un peu spéciale, mais ma foi très enthousiasmante dans ce qu'on a pu lire et dans les artistes et les scénaristes qu'on a pu découvrir aussi. Ouais, c'est une très belle année. 2021 commence de la même manière pour le moment que 2020 s'est terminé en termes de lecture. Donc on peut espérer tout le meilleur pour cette année et se retrouver dans un an pour faire le bilan, hein, d'une année plus sereine peut-être et plus... Encore que c'est mal barré pour la sérénité, et plus riche. Je ne sais pas si ça sera possible, mais on va espérer. C'est vrai que en termes d'indé, là, ça commence le début d'année est assez fort. Hein. Ça part de tous les côtés. Là, je ne sais Plein de plus donner de la tête en nouveautés, indé. des bonnes séries de l'année dernière qui continuent, des arcs qui reprennent des nouveaux arcs, etc. De ce Voilà. point de vue-là, je pense qu'on va pas être déçu, franchement. Après, de point de vue DC ou Marvel, j'ai peu d'attentes, on va dire, donc je crois que je serai pas déçu, mais je suis pas sûr qu'on ait de gros coups de cœur pour 2021, on verra bien. 2021 devrait être le retour de Saga, l'année du retour de Saga normalement. Normalement. Qui commence à en donner quelques nouvelles de temps en temps, on sent que ça a avancé, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Enfin voilà, non, non, de très belles choses. Boom annonce encore des trucs. Voilà, assez fou. Image nous a encore fait des annonces pour le mois d'avril. Enfin, ouais, c'est ça. Je pense que oui, en indé, on n'a pas fini de s'éclater. Même Geoff Jones, si, mais en indé maintenant, alors, c'est vous dire. C'est vrai. Allez, on va conclure du coup ce 308, c'est ça? Oui, 308e épisode. On n'a sans doute pas été complet, on n'a sans doute pas cité tout ce que vous auriez voulu par rapport à vos coups de cœur, etc. N'hésitez pas à commenter, à interagir avec nous s'il y a des choses que vous pensez qu'on a oubliées ou des choses que vous pensez que l'on a surévaluées. C'est possible aussi. Après tout, ça ne représente que nos sensibilités sur cette année-là et en aucun cas une valeur absolue, une vérité absolue sur la qualité de la production de 2020, c'était notre ressenti. N'hésitez pas à partager donc le vôtre avec nous. On se retrouve très prochainement pour une vague de chroniques, parce qu'on a, on a quelques jolies choses dont on aimerait vous parler. Messieurs, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. We'll be right back.